les élections. Par conséquent, voter pour n'importe quel parti politique qui fonctionne dans un cadre démocratique et voter pour ou contre la législation dans un parlement indépendamment des avantages apparents est haram. Voter pour un parti dans les systèmes occidentaux, indépendamment d'un but noble et de l'exactitude de l'intention, est quelque chose qui contredit les bases de ce que être musulman implique et sans l'ombre d'un doute haram. Cela ne signifie pas que, en principe, les élections ne sont pas autorisées. Plutôt, les élections sont valables afin de gagner le consentement de l'Oumma ou de la représentation des musulmans en général en choisissant le majlis de l'Oumma dans un califat légitime. De même, les élections pour élire un calife, khalifa, le chef des musulmans, sont également valables. La bay'atul harb, l'allégeance bay'a de guerre, qu'a institué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pouvoir dans Al-Madinah, démontre ce point. Selon les récits d'Ibn Hisham, authentifiés par Ibn Kathir, rahmahullah, le messager sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux tribus de Aws et de Khazraj de désigner pour lui 12 représentants parmi vous. Ils ont alors nommé leurs 12 nuqabah, représentants, qui ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur appui, nusra, et allégeance au nom du reste du peuple. Ainsi, c'est un modèle autorisé pour utiliser des élections comme mécanisme pour nommer un khalifa en tant que chef des musulmans. En effet, il est plus que probable l'un des mécanismes que le khilafa, dont le retour est imminent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, utiliserait, car il facilite l'expression de l'opinion des masses. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte dans son sahih que, pendant son califat, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, revenant d'une expédition, surprit les musulmans dire que quand Omar passerait, il nommerait un tel et un tel. Ainsi, il a appelé à une réunion de tous les musulmans, comprenant les sahaba, radiyallahu anhum, et leur a dit que concernant celui qui nomme quelqu'un dans l'autorité, sans consulter les musulmans, tuez-le et tuez ceux qui l'ont nommé. C'était quelque chose que tous les musulmans, y compris les sahaba, radiyallahu anhum, ont témoigné. Pourtant, bien qu'il ait sanctionné le débordement du sang musulmans, ils ont reconnu la vérité du rapport qui a démontré l'ijma, le consensus des sahaba. Ceci prouve clairement que les masses doivent choisir les gouverneurs et non pas qu'ils soient nommés par une faction minoritaire. Ô musulmans, ô vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force avec l'islam. L'appel de l'intégration est un appel pour une soumission supplémentaire de la volonté des musulmans. Les occidentaux ont consolidé leur équilibre dans le monde islamique en nommant beaucoup de chefs, des marionnettes, qui favorisent les systèmes démocratiques et autocratiques dans nos terres, et en appliquant l'exécution de tout ce qui est autre que l'islam. Comme un serpent, les têtes du kufr occidental ont répandu leur poison dans nos terres et dans nos esprits. Cet appel doit être rejeté parce que c'est un appel pour emporter la clarté de notre vision, l'exactitude de notre appel, la pureté de notre dîn et la sincérité de nos cœurs. C'est un appel pour coloniser nos esprits avec les fausses idées occidentales de la démocratie et de ce qui y ressemble. Ô vous imams, vous êtes bien informés des plans des koufars et de leurs agents. Vous voyez tout comme nous que l'application des valeurs démocratiques corrompt les pensées, les morales et les actions du peuple. Prouvez à l'Oumma que vous êtes les héritiers des prophètes et parlez de la vérité, du haqq. Ne pas laisser votre da'wah porter les ordres du jour étroit des koufars et de leurs agents. Appelez plutôt le peuple à quelque chose qui leur donnera la vision de l'islam. Car en effet, les paroles véridiques gagnent le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles mensongères attirent son courroux. Aujourd'hui, les prisons sont pleines de musulmans sincères qui travaillent et essayent d'obtenir le plaisir d'Allah de rétablir l'islam. De l'Ouzbékistan à l'Égypte, au Pakistan, à la Palestine, l'appel pour l'islam a pris racine. L'imam Razali, rahmahullah, écrivant à propos des conséquences de la perte du khilafa, a dit « Les juges sont suspendus, les wilayas, autorités, sont annulées, et les décrets de ces autorités ne peuvent pas être exécutés, et tous les humains sont sur le bord du haram. » Page 240 de son livre « Al-Iqtisad fil Artiqad ». Ô musulmans, ne désespérez pas. Faites de votre mieux pour le retour de l'islam dans le champ de bataille quotidien de la vie, pour la reprise de la façon de vivre islamique et pour porter l'appel au monde. Nous vous disons, cherchez les dalils, les preuves islamiques concernant le vote dans un système de mécréance de kufr. Et ne suivons pas le nefs, désir. et nous vous demandons de persévérer patiemment pour le retour de l'islam qui sera un guide pour toute l'humanité. Ne laissez pas le désespoir emporter le meilleur de vous et vous maintenir silencieux au sujet des régimes de kufr et les accepter ou d'essayer de leur faire plaisir à faire des compromis et à les flatter. Bientôt, nous serons témoins des grandes victoires de l'islam et votre faible position sera renversée et tout ce que nous avons vu de pauvreté, de déshonneur et d'humiliation vous seront ôtés. Sachez que la victoire vient avec la patience et la patience ici doit se limiter aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah est souverain en son commandement mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Yusuf verset 21. Wallahu a'lam.